L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Cette galaxie est un objet très rare. Située à 359 millions d'années-lumière de nous, PGC 1714 est une galaxie à anneaux de la classe des galaxies de Oag, qui ne représente que 0,1% des galaxies connues. Une étude détaillée montre qu'elle est encore plus rare car elle ne possède pas un seul anneau, mais deux, et d'âge différent. Les chercheurs de l'Université du Minnesota et de Caroline du Nord, menés par la jeune astronome Pursin Mutlu-Pagdil, ont étudié PGC 1714 pour essayer de caractériser cette nouvelle galaxie atypique découverte et déterminer par exemple s'il existait de la matière entre le noyau elliptique central de la galaxie, dont ils ont déterminé qu'il était peuplé de très vieilles étoiles de plus de 5 milliards d'années, de couleur rouge, et son anneau visible en lumière bleue qui a pu être estimé âgé de seulement 130 millions d'années. Peuplé d'étoiles très récemment formées donc. Les objets de Oag ne montrent généralement aucune connexion entre le centre et l'anneau. Ce sont des objets très rares et qui de fait sont mal compris. Leur origine est sujette à de nombreuses questions. Pour leur étude, les astrophysiciens ont imagé PGC 1714 à plusieurs longueurs d'onde en traitant les images pour en extraire la partie centrale et ne conserver que les zones intéressantes. C'est en appliquant cette méthode qu'ils se sont rendus compte qu'il existait un deuxième anneau d'étoiles et de gaz entre le cœur central et l'anneau externe. Et cet anneau n'a pas non plus le même âge que l'anneau externe, il est plus vieux et plus rouge. Le fait que les deux anneaux de PGC 1714 n'ont pas le même âge laisse penser que la galaxie a connu deux périodes de formation. Mais il est extrêmement difficile de conclure sur le scénario exact. Il faudrait pour cela connaître beaucoup plus de galaxies du même type. L'équipe de Mutlu-Pagdil se lance tout de même dans une hypothèse, comme c'est un peu le devoir de tout chercheur voulant expliquer le phénomène qu'il observe. Selon eux, le scénario le plus probable serait que l'anneau le plus externe serait le résultat de l'accrétion d'une galaxie naine proche, riche en gaz, qui aurait été complètement disloqué pour se retrouver comme en orbite autour de la galaxie elliptique centrale. En revanche, il reste très prudent au sujet du second anneau, plus interne, en ne proposant pas d'explication à ce stade. Il faudra pour cela obtenir un peu plus de données, et notamment en infrarouge et à haute résolution. La découverte de nouveaux objets aussi étranges que rares nous rappelle toujours que beaucoup reste à apprendre et à comprendre. L'article de Pursin Mutlu-Pagdil et ses collaborateurs est paru dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, le volume 466, donc il s'intitule « A Photometric Study of the Peculiar and Potentially Double-Ringed Non-Baired Galaxy PGC 1714 ». Et vous retrouvez le lien en bas de ce billet, comme toujours sur Ça se passe là-haut. Allez, restez bien à l'écoute, donc, sur Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des galaxies bizarres se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission sur iTunes, sur PodCloud, sur Stitcher et toujours sur le blog, bien évidemment. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut !